الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح السنة البربهاري رحمه الله، شرح الشيخ صالح فوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمعزوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، والصلاة عليهم سنة. La prière est faite sur quiconque meurt parmi les gens de la Qibla et de la Sunna, Ahlul Qibla, Ahlul Sunna. Quant au coupable adultère, Al-Marjoum, le fornicateur Zani, comme la fornicatrice Zaniya, Zaniyat, celui qui se suicide et autres personnes que les gens de la Qibla, l'ivrogne et autres que, prier sur eux fait partie de la Sunna. الشرح هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه. Donc le Cheikh dit, comme on a vu auparavant, quelqu'un qui nous fait apparaître l'islam, l'islam, l'iman, quelqu'un qui se montre en tant que musulman, déclare étant un croyant, on prie sur lui, c'est-à-dire on prie sur lui la prière mortuaire quand il meurt. Wa yakunu min ahli al-qibla wa hum alladhina yusalluna ila al-ka'ba qiblat al-muslimin, qiblat al-muslimin. Donc il dit il fait partie des gens de la qibla, ahli al-qibla, donc c'est les musulmans, c'est ceux qui se tournent vers la Ka'ba pour prier, donc c'est les musulmans. Ha'ula'i nu'amiluhum bidh-dhahir. Cela on se comporte avec eux conformément à ce qu'ils nous ont fait apparaître. Il ne fait apparaître l'islam, on le considère musulman. Il ne fait apparaître le kufr, on le considère comme tel. فَنَحْكُمُ بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. On le considère comme étant musulman. وَنُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. On se comporte avec eux comme on se comporte avec des musulmans. Quand ils sont en état de vie et quand ils sont morts. Ils sont morts, c'est-à-dire qu'on les lave, on leur fait leur rite funéraire, etc. La prière mortuaire, etc. قوله لوتر دي والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة. المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين. Il dit donc le croyant, le musulman, mais qui a des débauches. Il fait des choses qui sont graves, qui sont interdites, mais il n'est pas sorti de l'islam. Il dit l'auteur de ces choses-là. Il a fait des choses qui sont graves, qui sont interdites dans l'islam, mais il reste dans la sphère de l'islam. Celui-là, on se comporte avec lui comme on se comporte avec les musulmans. Wa yud'a lahu ka qatil nafsi wa kal marjum fi zina wa ka wa qad salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala marju ala marjumin salla ala ma'iz radiyallahu anhu rawahu al-bukhari fi sahihihi an jabir wa ala al-ghamidiyya رضي الله عنها رواه مسلم في صحيحه عن بريدة. Donc il dit ces gens-là, ils sont morts avec des grands péchés, hein, sous état de grands péchés. On invoque يدعى له, c'est-à-dire on invoque en leur faveur. Si on il leur a dit يدعى, ça veut dire tu invoques cette personne. Ça c'est du shirk, c'est interdit. يدعى له, tu invoques en la faveur du mort. Qu'Allah lui pardonne, etc. كقاتل نفسه. قاتل نفسه, c'est celui qui se suicide, qui se tue. وكل مرجوم في الزنا. Et comme celui qui est lapidé. Qui est lapidé parce qu'il a commis la fornication. Avec les conditions qui sont connues. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur des gens qui ont été lapidés. Comme il a prié sur Ma'iz. Hadith 6434. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Selon Jabir ibn Abdillah al-Ansari. Et il a prié sur la femme al-Ghamidiyya. Qui fait partie de cette tribu. Radiyallahu anha. Rapporté par l'imam muslim. Dans son recueil 1695. Selon Buraida. Radiyallahu anha. Wa qad yamtani'u. صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديم للناس لا من باب أنه كافر. Il dit ça se peut que le prophète صلى الله عليه وسلم il prie pas sur quelqu'un la prière mortuaire comme quelqu'un qui s'est suicidé. الغال ça vient de الغلول, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris du butin avant qu'il ne soit décomposé, quelqu'un qui s'est servi dans le butin ramassé dans après une guerre avant qu'il ne soit décomposé conformément à la charia. Hada huwa al-ghal. Ça vient de l'ghulul. Fi sabilillah min bab at-ta'dib lin-nas. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, peut-être il prie pas sur quelqu'un qui s'est suicidé, il prie pas sur quelqu'un qui a fait cette erreur là de prendre du butin de guerre, malgré que c'est pas des mécréants, mais c'est pour éduquer les gens. C'est pour que les gens ils ont peur. quand ils voient pas, ils voient que quelqu'un qui a du mérite, ils prient pas sur eux, ils prient pas sur ce type de personne, ils vont avoir peur de faire cet acte. C'est pas l'imam bab yannahu kafir. C'est pas parce que c'est pas en, que ça veut pas dire ni que la personne qui fait ça elle devient mécréante. Même si sur le suicide il y a une divergence, il y a certains savants qui considèrent quelqu'un qui se suicide comme étant mécréant. Allahu a'lam. ولهذا أذن الصحابة أذن للصحابة أن يصلوا عليه. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم dans des cas il se retirait. Il disait sallu ala sahibikum. Il disait priez sur votre compagnon, priez sur votre ami. Mais lui il priait pas. Donc puisqu'il a autorisé aux gens de prier sur la personne, ça montre que c'est pas un kafir. Si c'était un kafir, il leur aurait dit vous n'avez pas le droit de prier sur cette personne parce que c'est pas un musulman. ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. قوله قال البربهاري رحمه الله السكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد. Donc il dit سكران l'ivrogne, quelqu'un qui boit, qui atteint le degré d'ivresse, qui boit de l'alcool et qui boit du vin et de l'alcool, il dit c'est un débauché, fasiq. Fasiq, on a dit, c'est quelqu'un qui sort de l'obéissance d'Allah. Fasiq, ça vient de al-fisq ou al-fusuq, qui est ma'na al-khuruj. Yuqamu alayhi al-had, c'est-à-dire qu'il y a une sentence qui l'attend, cette personne-là, avec des conditions bien sûr. Lakinnahu la yakhruju min al-islam. Mais c'est pas parce qu'il y a une sentence que la personne elle est mécréante. Fa'idha mata yusalli alayhi walau kana yashrabu al-khamra li'annahu min al-qibla. S'il meurt, on prie sur lui la prière mortuaire, parce que boire de l'alcool, ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est quelque chose qui est très grave, c'est sûr, c'est un grand péché, etc. Mais il reste dans la sphère de l'islam, s'il ne s'est pas rendu cette chose-là licite. Et il fait partie de Ahl Qibla. On a dit Ahl Qibla, c'est les musulmans. Et les gens qui se dirigent vers la Kaaba pour prier. Donc prier sur l'ivrogne, etc., c'est une sunna. Prier sur lui la prière mortuaire, c'est une sunna. C'est-à-dire que c'est... ça fait partie de la voie du messager qu'il est obligatoire de suivre. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. Nul parmi les gens de la Qibla ne sort de l'islam à moins qu'il rejette une aya, verset du livre d'Allah Azza wa Jal, ou rejette un récit, athar du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sacrifie imol pour autre qu'Allah ou prie pour autre qu'Allah. C'est quand il fait l'une de ces choses qu'il est obligatoire de sortir proche de l'islam. Et s'il ne fait pas cela, il est un croyant musulman, beaucoup de musulmans dans le nom, mais pas avec véracité. Al-Sharh. La yakhruju ahadun min ahli al-qibla min al-islam, illa bi-irtikabi naqidin min nawaqid al-islam al-ma'rufa wa yazul 'udruhu. Donc il dit personne ne sortira de l'islam, min ahli al-qibla. Personne ne sortira de cette sphère-là, qui est l'islam, sauf si quelqu'un y commet un annulant parmi les annulants de l'islam qui sont connus. Et que l'excuse n'est pas présente. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a une excuse quelconque. قوله أو يرد شيئا من آثار أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ou rejette un récit, آثار du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit auparavant أو يرد آية من كتاب الله. Quelqu'un qui rejette un verset du Coran. إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة فهذا يحكم عليه بالردة. Donc il dit quelqu'un qui renie quelque chose qui est dans le Coran, ou bien il renie le Coran, ou il renie une partie du Coran, ou il renie la sunna qui est authentique, ou bien une partie de la sunna qui est authentique, ou bien quelqu'un qui réprouve quelque chose qui est dans le Coran, ou quelque chose qui est dans la sunna qui est authentique du messager, celui-là on le considérera comme apostat, quelqu'un qui est sorti de la sphère de l'islam. Pourquoi? لأنه مكذب لله ولرسوله. Parce qu'il a démenti Allah et son messager. Allah il informe de quelque chose, lui dit non, c'est pas vrai. Le messager il informe de quelque chose, il dit c'est pas vrai. Ma lam yakun jahilan aw muqallidan aw muta'awwilan fa hadha yubayyin lahu. Il dit tant que la personne elle n'est pas ignorante, c'est-à-dire quelqu'un qui dit c'est pas vrai, après tu lui montres le texte, il te dit ah, je savais pas. Hada il est excusé. Il savait pas, il t'a dit moi je connais pas cette chose-là, j'ai jamais entendu ça dans le Coran, tu lui montres la chose, il te dit ça c'est existant. Ou muqallidan. Muqallid, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre d'une manière aveugle. Ça veut dire il suit cette personne-là, comme elle lui a dit, de manière aveuglément. Ou muta'awwil. Ta'wil, c'est interpréter la chose d'une manière qui n'est pas acceptable. Ces personnes-là, c'est-à-dire l'ignorant, ou bien quelqu'un qui suit une personne d'une manière aveuglément, ou bien quelqu'un qui interprète les choses, ces personnes-là, on va leur clarifier la chose. فَإِذَا بُيِّنَ لَهُ وَأَصَرَّ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ. Quand on lui montre cette chose-là, elle est bel et bien existante dans le Coran, ou bien on lui montre que son interprétation est mauvaise, il a mal compris la chose, etc. Et que malgré ça, il persiste, dans ce cas-là, on considérera comme cette personne comme apostat. وَالْمُرَادُ بِأَثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ. Qu'est-ce qui est voulu par les traces du messager, c'est-à-dire les hadiths qu'il a cités. وَقَوْلُهُ أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ أَثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. Quelqu'un qui rejette une partie ou qui rejette des textes du messager, cette personne-là, c'est comme le Coran, hein, quelque chose qui est rapporté du messager authentiquement, c'est comme le Coran. Ça veut dire la personne elle sort de la sphère de l'islam. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين. Il dit ça c'est une règle très importante et fondamentale chez أهل السنة والجماعة et diverge deux fractions. Il y a deux groupes ou deux fractions qui sont pas d'accord avec أهل السنة sur ce point-là. الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. Première fraction qui sont les خوارج, la secte des خوارج, qui disent que quelqu'un qui fait un grand péché, même s'il reconnaît que c'est un grand péché, il sort de l'islam. Et les sunnas disent le contraire. Ils disent la personne qui fait un grand péché, qui reconnaît que c'est un grand péché, qui reconnaît que c'est un péché, c'est interdit, il ne sort pas de l'islam. En dessous, quelque chose qui est moindre que le shirk. Deuxième fraction, fi'atul murji'a, alladhina yaqulun, la fraction, la secte qui s'appelle le murji'a, qui disent quoi? La yadurru ma'al imani ma'asiyah, madame al-insanu mu'minan biqalbih. فإنه لا يضره شيء من المعاصي ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان. Ils disent quoi? Ils disent quelqu'un qui a l'Iman, quelqu'un qui a la foi dans son cœur, même s'il commet des péchés, ça n'a aucune répercussion sur sa personne, ça n'a aucune répercussion sur sa foi, ça n'a aucune répercussion sur son Iman. D'accord? Tant que la personne, elle a une certitude dans son cœur, elle a l'iman dans son cœur, même s'il commet des interdits, des péchés, etc., ça n'a aucune répercussion. Même s'il ne fait aucun acte, il ne fait aucun bon acte, mais il a la foi dans son cœur, il déclare avoir la foi dans son cœur, ils disent il a la foi complète, et l'histoire elle s'arrête là. Amma ahl sunnati wal jama'a, fa kama dhakara al-mu'allif. Par contre, la fraction médiane, les gens qui suivent la sunna du messager, réellement, ils disent quoi? Annahum wasatun bayna ta'ifatayn. Comme l'a dit l'auteur, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, ils sont médianes, ils sont au milieu de deux fractions. فَيَقُولُونَ الْكَبَائِرُ تَخْتَلِفُ. Ils disent, Ahl al-Sunnah disent quoi? Donc c'est ça qu'il faut retenir. Les grands péchés ne sont pas sur une seule et même étape, une seule et même gravité. Ils disent, إِنْ كَانَتْ مِنَ الشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ الْأَكْبَرَيْنِ فَإِنَّهَا تُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ بِالْإِجْمَعِ. Il dit donc, il y a des grands péchés qui rentrent dans le polythéisme ou dans la mécréance qui sont majeurs. Puisqu'il y a le polythéisme majeur. Mineur et caché chez certains savants, ou bien majeur et mineur, et à la mécréance majeure et mineure. Ahl al-Sunnah dit, si tu fais quelque chose qui est du grand polythéisme ou de la grande mécréance, ça te fait sortir de l'islam. Et il y a unanimité là-dessus, il n'y a pas de divergence. Wa amma idha kanat laysat kufran wa la shirkan wa laysat takdiban li kitabillah wa la li sunnati rasulillah wa la tarkan lis salat wa la du'aan li ghayrillah aw dhabhan li ghayrillah wa innama hiya kabira duna dhalik fa hadhihi la yakhruju بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. Donc ils disent quoi? Ils disent si le péché il n'a pas atteint ce degré de gravité, c'est-à-dire qu'il rentre dans la mécréance ou qu'il rentre dans le polythéisme, mais c'est un péché qui est moindre, ça ne rentre pas dans le polythéisme, ça ne rentre pas dans la mécréance, mais également ça ne rentre pas dans le fait de démentir le Coran, de démentir la sunna qui est authentique. Ce n'est pas le fait de délaisser la prière, puisque délaisser la prière, divergence entre les savants, quelqu'un qui délaisse la prière et qui reconnaît son caractère obligatoire, là il y a divergence. Ce n'est pas une invocation, quelqu'un qui invoque autre qu'Allah, qui invoque un mort, ou qui invoque un animal, ou une statue, ou une idole, ou une tombe, ou un djinn, ou un ange, ou n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas dhabh, dhabh li ghayrillah, c'est du shirk majeur. Quelqu'un qui immole pour autre qu'Allah, il prend une bête, un mouton, une vache ou autre chose, et il l'égorge pour un saint qui est enterré dans une tombe ou pour un djinn. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. D'accord ? Quelque chose qui est moindre que cela. C'est un grand péché, mais qui est moindre. Quelqu'un qui mange de l'usure, riba. Quelqu'un qui boit de l'alcool. Quelqu'un qui s'adonne à des drogues. Quelqu'un, etc. فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. Quelqu'un qui fait ça et qui reconnaît que c'est interdit. Il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de la sphère de l'islam. Contrairement à ce que disent les khawarij et les mu'tazila qui ont la même conviction que les khawarij là-dessus. ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة. Donc, le cheikh dit quoi ? Il dit, ça amoindrit la foi. Il ne faut pas croire que quand Ahl Sunna disent que tu ne sors pas de l'islam, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Au contraire, il y a des gros problèmes, ça amoindrit ta foi, ça l'affaiblit, mais tu ne sors pas de l'islam. Voilà la différence, elle est où ? Contrairement à Al-Murji'a qui disent, donc Al-Murji'a c'est la fraction qui est totalement l'opposé, qui disent, Alladina yaqulun, la yadurru ma'al iman ma'asiya. Eux disent, tant que tu as l'iman dans ton cœur, tu peux faire n'importe quel péché, ça n'a aucune répercussion. Fahada huwa al-madhhab al-wasat, alladhi yahsulu bihi al-jam' bayna an-nusus al-wa'id, bayna an-nusus al-wa'id wa an-nusus al-wa'd. Donc les deux fractions, ceux qui disent que quand tu fais un grand péché, tu sors de l'islam, et ceux qui disent que quand tu fais un grand péché, ça n'a pas de répercussion, les deux fractions, elles sont en erreur, en tort. La vérité, elle est au milieu, c'est-à-dire que le grand péché, s'il est moindre que le kufr, ou le moindre que le shirk, qui sont tous les deux majeurs, ça ne te fait pas sortir de l'islam, si tu reconnais que c'est un péché, mais ça a de graves répercussions sur ta foi, ça l'amoindrit, mais tu ne sors pas de l'islam. Et c'est à travers cette parole-là que tu peux réunir les textes, les versets et les hadiths, où il y a des menaces, celui qui fait ça, il est maudit, celui qui fait ça, il sera en enfer, celui qui fait ça, Allah ne le regardera pas, ne lui parlera pas, il aura un châtiment douloureux, etc. Et les textes, les versets, les hadiths qui viennent accorder des promesses. Celui qui fait telle chose, il sera au paradis, celui qui fait telle chose, il aura telle récompense, etc. Il dit, Cheikh Wafaqahu Allah Ta'ala, Al-Khawarij wa Al-Mu'tazila akhadhu bi nusus al-wa'id. Al-Khawarij et Al-Mu'tazila qui disent donc que quelqu'un qui fait un grand péché, eux ils regardent pas c'est quoi, ils disent c'est un grand péché, tu sors de l'islam. Eux ils ont pris les textes où il y a une menace, où il y a une lourde menace, celui qui fait telle chose il sera en enfer par exemple. Wa tarakou nusus al-wa'd, et les versets, les hadiths où il y a des promesses, Allah il est pardonneur, il est miséricordieux, etc. Ils les ont laissés à côté. Al-Murji'a al-Aks, Al-Murji'a, donc l'autre fraction qui te dit tu peux faire n'importe quel péché tant que tu es croyant dans ton cœur, il n'y a pas de répercussion. Ils disent totalement le contraire. Ils ont pris akhadhu nusus al-wa'd, akhadhu bi nusus al-wa'd, les versets et les hadiths qui montrent qu'Allah il est pardonneur, miséricordieux, etc. Ils les ont pris, wa tarakou nusus al-wa'id, et les versets et les hadiths où il y a une menace, celui qui fait telle chose il sera puni par telle chose, etc. Ils les ont mis de côté. Fakila ta'ifatayn idal, chacune des deux fractions citées, le murji'a d'un côté, le khawarij et mu'tazila de l'autre, elles sont perdu. قال الإمام البربهاري رحمه الله وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. Donc je répète qu'est-ce qu'il dit le Barbahari, répète qu'est-ce qu'il dit au début. Début dit nul parmi les gens de la Qibla ne sort de l'islam à moins qu'il rejette une ayah, verset du livre d'Allah Azza wa Jalla, ou rejette un récit, à part du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sacrifie, immole pour autre qu'Allah, ou prie pour autre qu'Allah, c'est quand il fait l'une de ces choses qu'il est obligatoire de le sortir de l'islam. قال يصلي لقبر يتقرب إليه, quelqu'un qui prie pour une tombe, il cherche à se rapprocher d'une tombe ou d'une personne, d'un saint ou pas saint qui est enterré dans une tombe. أو يسجد للصنم, quelqu'un qui se prosterne devant une statue. أو يذبح لغير الله, ou bien quelqu'un qui égorge pour autre qu'Allah. N'importe quoi d'autre, un prophète, un djinn, quelqu'un de pieux, pas pieux. وَيَعْمَلُ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ, quelqu'un qui fait une adoration quelconque pour autre qu'Allah. فَهَذَا مُشْرِكُ وَكَفْرَ, فَهَذَا مُشْرِكٌ كَافِرٌ, celui-là, c'est un associateur, il a donné un associé à Allah, et c'est un mécréant, il est sorti de l'islam. خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ, هذا il est hors islam. وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَهْلُ السُنَّةِ وَسَطٌ فِيهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَبَيْنَ الْخَوَارِجِ, ce qui est moindre de cela, qui est moins grave que cela, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans la mécréance, shirk, le kufr, ou bien ce qu'il a cité shirk avant, le fait de démentir un verset, démentir un hadith, etc., authentique, il dit donc, la parole qui est juste, c'est d'être médiane entre le murji'a et le khawarij, donc de rester, laisser la personne dans la sphère de l'islam, mais l'auteur de grands péchés, il est en danger. قال قوله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. C'est quand il fait l'une de ces choses qu'il vous est obligatoire de sortir pour vous de l'islam. Donc ce qu'il a cité auparavant, démentir un verset, démentir un hadith, démentir une partie du Coran, une partie de la sunna qui est authentique, ou bien prier pour autre qu'Allah, se diriger vers autre qu'Allah, et égorger pour autre qu'Allah, etc. Tout ce qu'il a cité auparavant, quand il fait une de ces choses-là, il est obligatoire de le faire sortir de l'islam. إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الملة. Quand il fait une chose quelconque, il prie pour autre qu'Allah, il égorge pour autre qu'Allah, il égorge une bête pour autre qu'Allah, ou bien il fait une adoration quelconque pour autre qu'Allah, il est obligatoire de le faire sortir de la religion. وجب عليك أن تعتقد أنه كافر. Tu dois avoir la pleine conviction, la certitude comme quoi cette personne-là est mécréante. ولا تقول لا يهمني أو لا يهمني هذا. Faut pas que tu dises, yani, ça me soucie pas, c'est pas mon problème. أو لا أدري عن. Je sais pas, yani, quel est son état réel. بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك. Il faut impérativement que tu déclares le mécréant mécréant et l'associateur associateur. وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. Et que tu déclares l'auteur de grands péchés moindre que le shirk, puisque si l'auteur du shirk il sort de l'islam, il devient kafir mushrik. Mais quelqu'un qui fait quelque chose de moins grave que le shirk, auteur d'un grand péché, etc., tu le considères comme étant débauché. La budda min bayan al haqq fi hadha al amr. Il faut impérativement être médiane à ce sujet-là. Qawluhu fa idha lam yaf'al dhalika fa idha lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'min wa muslim bil ism la bil haqiqa. Et s'il ne fait pas cela, il est un croyant musulman, mu'min muslim dans le nom, mais pas avec véracité. Ay fi adh-dhahir lana wa sariratuhu ila Allah. C'est-à-dire que nous on le considère comme étant musulman, comme étant croyant, ce qui nous a fait apparaître, la prière, de sa conviction, etc. Et sariratuhu ila Allah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il cache au fond de son cœur, ça c'est entre lui et Allah. Allah il sait qu'est-ce qu'il y a yani, dans son cœur. وجب عليك أن تخرج من الملة هذا خطاب للعلماء ولا خطاب الشيخ كأنه يخاطب الناس كامل لكن بغيت نشوف أنا كلام الشيخ نجمي ما قدرتش نشوف فوالا البروشين فوا إن شاء الله أنا لأن الشيخ يستدرس تو الموند إيسي يستدرس باين العلماء فهمت يعني الشيخ قاعد يشرح هنايا ما خصصش العلماء لا با سبيسيفي العلماء لكن تحتاج إلى تفصيل شوية الله أعلم ويزول عذره Yannick, la personne n'a pas d'excuse. Comme il a cité Cheikh, elle n'est pas ignorante. Il ne savait pas. Il a rejeté un verset, puis ça, il ne savait pas que c'était un verset du Coran. Il a rejeté un hukm. Il a rejeté une loi religieuse. Il ne savait pas qu'il y avait un hadith authentique. Hada, il a zal al-udhr ta'u, yannick al-jahl. Rufi al-jahl. Quelqu'un est venu, lui a montré, regarde dans le Coran, il y a ça, dans la sunna, il y a ça. L'excuse, elle a disparu. Il est plus ignorant maintenant. Soit il croit, soit il rejette. S'il rejette, il sort de l'islam. L'islam. S'il croit, il revient et dit c'est vrai, je ne savais pas. Lâchez aller. Allah Allah. Nam Est-ce qu'on a le devoir, on a l'obligation de mettre en garde contre une personne comme ça qui montre qu'il est. Qu'il est qui agit contre l'islam, en fait, qui renie les versets, ou bien. Et puis qui. Un mounafiq, en fait, comme tu l'expliques à la fin. Qui rejette des. Comment dire. Des textes. Des textes, et puis bon, qui. Wallahi, maintenant, avec. Si tu regardes, il y a beaucoup de fractions qui font ça. Tu vois, des textes مثلا, sur le vêtement, en dessous de la cheville, sur Kada. Lakin, tu vois, ils ont une interprétation mauvaise. Yani, ils suivent des gens, des prêcheurs ou pas prêcheurs, qui disent yani, que ça c'est à prendre dans tel cas, ou bien que ça c'est à prendre dans tel cas. Et c'est un peu équivoque, tu vois. Ça demande de. Non, mais pas pour ce qui est du vêtement, quoi. Pour ce qui est des actes blâmables, ou bien. Yani, ça rentre dedans. Des actes d'innovation, ou bien. Alors, ce que je sais, c'est que Da'i al-Bid'a yahadhar minhu. C'est quelqu'un qui prêche à l'innovation, on met en garde contre ce type de personne. Même si l'argument n'a pas été posé. Madame Houa, il prêche à l'innovation, il faut mettre fin yani, à cette chose-là. Si après la personne, on a de quoi la conseiller, l'orienter et tout ça, on le fait. Sinon, si on n'a pas les bagages ou les capacités, on met au moins en garde et on s'écarte de cette personne, etc. On dit pas que c'est pas obligatoirement, parce qu'il faut que quelqu'un vienne et qu'il lui explique ces choses-là, et quelqu'un qui a les capacités. Mais minimum, c'est dire aux gens de s'écarter, que sa conviction est mauvaise et tout ça. On sait, Yannick, que c'est mauvais, mais il n'y a pas quelqu'un qui a les capacités de mettre ces choses-là au clair avec lui, pour peut-être le faire revenir, ou alors voir que c'est une personne qui transgresse, Yannick, qui continue sur son chemin. Mais tu mets en garde. Da'i al-bid'a yuhadhdhar minha. Wallahu a'lam. Fik barak Allah. Wasl. قال المؤلف رحمه الله وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يدع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورتي وأشباه ذلك وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواء ورده فهو جهمي. Il faut croire au récit à part que l'on entend, même si on ne les comprend pas complètement, tel que les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les cœurs des adorateurs sont entre les deux doigts du miséricordieux, Rahman azza wa jal. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus bas. Il descend le jour de Arafah et il descend le jour de la résurrection. Et jettera au feu les gens destinés à y entrer et jusqu'à ce qu'il pose son padam. Et Allah ta'ala dit à son adorateur, si vous marchez vers moi, je cours vers vous. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé Adam à son image. J'ai vu mon Seigneur dans la forme la plus excellente. Et les autres athars récits qui vont dans ce sens-là. N'en expliquez aucun de ces hadiths de par vos impressions, désirs, commentaires personnels et passions. Mais il est plutôt obligatoire d'y croire. Et quiconque explique quoi que ce soit de ces hadiths de par ses passions ou bien les rejette est un jahmi. الشرح نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها. Donc il dit les textes qui sont venus à propos des attributs d'Allah par exemple, qui sont rapportés authentiquement, soit des versets, soit des hadiths qui sont rapportés authentiquement, tu dois les affirmer et les confirmer comme ils sont. على حقيقتها. دون أن تتدخل بعقلك فتقول. Sans rentrer avec ta raison en disant هذا لا يليق بالله. يعني ça c'est étrange, c'est pas conforme avec l'excellence d'Allah. الله منزه عن ذلك. Allah, il n'a pas ces choses-là, ni c'est quelque chose qui ne peut pas lui aller à lui. Ou bien de dire, ça c'est une ressemblance. Tu dis, Allah, il a deux mains, tu es en train de le ressembler à telle et telle chose. Comme le disent ceux qui rejettent nombre d'attributs qui sont venus à propos d'Allah. Ou tu crois que Allah a... ضمة سورة يا وسكون على الشين اسمه الباء كسرة الها ضمة يشبه أو تعتقد أن الله يشبه خلقه وبيان كما تقوله الممثلة وبيان faut pas avoir la conviction que Allah il ressemble, il est pareil que ses créatures, comme le disent الممثلة ceux qui disent que Allah il est comme les créatures, il a l'ouïe comme les créatures, il a la vue comme les créatures, il a deux mains comme les créatures, etc. فكلا الطائفتين على الضلال. Ceux qui rejettent et ceux qui affirment à tel point de faire ressembler Allah à sa créature sont en tort. المعطلة غلوا في التنزيه. Donc ceux qui rejettent, ils ont exagéré dans le fait de ne pas faire ressembler Allah à sa créature. À tel point, حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم. À tel point qu'ils ont dit Allah il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut, pour ne pas faire ressembler Allah à sa créature comme eux ils le prétendent. Ou al-mumathila, c'est le contraire. Al-mumathila, ça vient de mithl, pareil que, égal à. Ghalaw fil ithbat, ceux-là ils ont mis l'accent sur l'affirmation. الله إلى عزيز إلى حكيم له سمع له بصر له كذا حتى شبه الله بخلقه à tel point qu'ils ont dit Allah il ressemble à ses créatures. La créature a deux yeux, la créature a l'ouïe, la créature a la vue, etc. وكل المذهبين باطل. Et les deux idéologies, les deux fractions sont fausses. ومذهب أهل السنة الوسط. Donc أهل السنة ils sont toujours médians dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'ils disent? يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه. Ils affirment à Allah les noms qu'il s'est affirmé lui-même et que son prophète lui a affirmé et les attributs qu'Allah s'est affirmé lui-même, yani ses qualités, etc., caractéristiques, et ce que son prophète lui a attribué. وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. Mais ils disent que Allah ne ressemble pas à ses créatures. D'accord? تنزيه بلا تعطيل. Ça veut dire qu'ils disent qu'Allah est loin yani de se faire ressembler à ses créatures, mais ils ne disent pas qu'il n'a pas ses caractéristiques. En même temps, ils disent qu'il a ses attributs. Non. Et donc, moi, à la base, le fait qu'il voulait tanzih, c'est une bonne intention à la base. Dans les deux domaines, tu vois, le Cheikh, il te commence par ralaw, fil tanzih. Et le Cheikh, après, il te reprend ces deux mots, il te dit, al-sunna, athbatu, wa nazzahu. Mais d'une manière médiane. Le problème, c'est dans l'exagération. Ils ont exagéré dans le fait d'affirmer, et les autres, ils ont exagéré dans le fait de rejeter. À tel point qu'ils sont allés dans deux extrémités et Ahl al-Sunnah ils sont au milieu, ils ont dit Allah il a ses attributs, il a l'ouïe, il a la vue, il a kada, mais il ne ressemble pas à ses créatures. C'est lui qui nous a dit ça dans le Coran. Tanzih bila ta'til. Hada huwa madhhab Ahl al-Sunnah wal Jama'ah ala haddi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay. Le verset clé à ce sujet-là qu'on a vu maintes fois, rien ne lui est équivalent, rien ne lui ressemble à propos d'Allah. Hada radd 'ala al-mumathila. Donc ça c'est une réplique sur le Mumathila, ceux qui disent que Allah il a l'ouïe comme la créature, il a la vue comme la créature, et il se ressemble. D'accord? Allah il a dit rien ne lui ressemble. D'accord? Wa huwa as-sami' al-basir. Et il a dit, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ça veut dire il a l'ouïe et il a la vue. D'un côté il a dit rien ne lui ressemble, et de l'autre côté il a dit il a l'ouïe, il a la vue. Donc Allah il n'y a rien qui lui ressemble, mais il a ces attributs-là, il faut lui donner. C'est lui qui a dit à son sujet qu'il a l'ouïe et qu'il a la vue. Non, on ne connaît pas mieux que lui-même. Donc on ne peut pas rejeter ces choses-là. Surat 42, verset 11. هذا رد على المعطلة. Ça c'est une réplique sur le معطلة. Ceux qui rejettent les noms et les attributs. ودلت الآية, donc آية سورة الشورى, على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل. Le verset montre que le fait d'affirmer, d'attribuer les noms et les attributs, ça n'engendre en rien une quelconque ressemblance ou bien un caractère égal ou équivalent. هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات. C'est de la sorte qu'il faut agir dans les noms et les attributs. Allah il dit qu'il a l'ouïe, il faut lui donner l'ouïe. Il ressemble à sa créature? Non. Allah il descend, il est sama et donia comme l'a cité avant. Tous les noms, tous les attributs qu'Allah s'est attribué, il faut lui attribuer sans chercher à faire ressembler Allah avec une quelconque de ses créatures. قال, par exemple, il dit مثل قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. لي شكرا. تثبت الأصابع للرحمن كما جاءت في الحديث. Donc tu affirmes les doigts à Allah, comme quoi Allah il a des doigts, comme c'est dans le hadith. Répète le hadith en français. Les cœurs des adorateurs sont entre les deux doigts du miséricordieux. Sont entre les deux doigts, en arabe c'est marqué بين أصبعين من أصابع الرحمن, entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux. Donc tu affirmes qu'Allah il a des doigts. ولا تقول إنها مثل أصابع المخلوق. Faut pas que tu dises c'est comme les doigts de la créature. هذا فهذا تشبيه نزهه الله ننزهه. Donc rajouter un point sur le point. C'est pas un nun, c'est un ta le premier. Hada tashbih tanazzaha. Il y a marqué nanazzaha, c'est tanazzaha. Tanazzaha Allahu an. Donc ça c'est une ressemblance qu'Allah il s'est pas attribué. Allah il s'est attribué des doigts, il a pas dit je ressemble à la créature. Au contraire, il a dit rien ne lui ressemble. Bal nuthbituha ala ma yaliqu bi jalalillah subhanahu wa ta'ala laysat ka asabi'il makhluqin. On affirme cela à Allah. Et Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ces doigts ne ressemblent pas aux doigts des créatures. وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه من أتاني يمشي أتيته هرولة. Tu affirmes le hadith قدسي, hadith divin qui est rapporté à ce sujet-là. من أتاني يمشي أتيته هرولة. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui. هرولة, c'est pas courir en vérité, comme c'est traduit dans le hadith. هرولة, c'est trottiner. طيب. هرولة بمعنى من أسرع إلي إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Le sens du hadith c'est quoi? من أتاني يمشي, celui qui vient à moi en marchant, je vais à lui en trottinant. C'est-à-dire celui qui s'empresse de rechercher mon agrément, ma satisfaction, mon obéissance. Je m'empresse de lui pardonner ses péchés et de réaliser ses souhaits, ses demandes. فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا. Il dit c'est pas ce qui est voulu, le fait de trottiner comme nous on connaît, يعني, le fait de trottiner, hein, de marcher un peu vite entre marcher et courir. وإنما فسره آخر الحديث بقوله لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. À la fin du hadith c'est cité, si il me demande je lui donnerai certes, et si il me demande protection, je lui accorderai certes ma protection. فمعنى الهرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج عبدي. هرولة, le fait qu'Allah vient en trottinant, c'est-à-dire il t'accorde plus que ce que toi tu lui as accordé. C'est-à-dire il s'empresse d'être, ni de faire en sorte de réaliser tes demandes, etc. كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى. Il dit tout comme la créature, يعني, qui marche vers Allah. Est-ce qu'il marche réellement vers Allah ou bien il s'empresse de mettre en application l'ordre d'Allah et de s'éloigner de ses interdits, etc. Il dit est-ce qu'il marche ou bien il trottine. Est-ce que yani, c'est le sens concret ou abstrait? Est-ce que c'est le sens réel ou sens figuré? ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة. Il dit donc une réplique là-dessus sur des gens qui se sont empressés d'attribuer à Allah le fait qu'ils trottinent réellement. وهذا من باب أفعال المقابلة. Ça c'est ce qu'on appelle أفعال المقابلة, c'est-à-dire les actes de rétribution, les actes de concordance. Hein? Tu fais ça, il te donne ça. كما قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. Allah dit à propos de أظن المنافقين فيسخرون منهم سخر الله منهم. سورة التوبة, سورة 9 verset 79. Il dit ils se moquent d'eux, Allah se moque d'eux. Eux ils se moquent d'eux, Allah donc se moque d'eux. إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم في مطلع البقرة سورة 2 verset 14-15 à propos des منافقين إنما نحن مستهزئون. Ils disent nous ne sommes que en train de nous moquer. Ensuite Allah dit الله يستهزئ بهم, Allah se moque d'eux, eux ils se moquent, Allah il se moque d'eux. وقال ومكروا ومكر الله. Ils ont مكر, c'est le fait, يعني, de faire un piège, etc. J'oublie comment ils le traduisent. Comploter, hakak. Eux ils complotent et Allah complote, etc. Al Imran, surat 3, verset 54. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة. Il faut impérativement connaître ces règles. Ce sont des règles fondamentales très importantes. ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها. Pour que la personne, le musulman, il sache où il met les pieds, qu'il soit sur une clairvoyance, qu'il comprenne les choses et qu'il connaisse la voie des prédécesseurs à ce sujet. الذين هم أثبت منه وأعلم منه ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها الذين هم أثبت منه وأعلم منه. Pour se conformer à la voie des prédécesseurs qui sont plus raffermis, plus connaisseurs que nous. ولا يستقل بفهمه وعقله. Faut pas que يستقل, ça vient de استقلال, c'est-à-dire de se sentir indépendant et de dire j'ai pas besoin des prédécesseurs pour qu'ils m'expliquent, moi je comprends les choses comme je veux avec ma compréhension, avec ma raison. ويثبت لله ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. Il va attribuer à Allah des choses, au prophète صلى الله عليه وسلم des choses, plutôt Allah ici, c'est les noms des attributs, en se basant sur des apparences. ظواهر, dis-moi ce que je comprends de ce texte, c'est ceci, ce que je comprends de ce texte, c'est cela, ça c'est faux. Ou bien des textes qui sont متشابه, qui se ressemblent, ou bien qui sont équivoques. وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها. Alors qu'il y a d'autres textes qui viennent montrer les passages où c'est ambigu, les passages où c'est équivoque, etc. فَيَجِبُ أَنْ يَرُدَّ الْمُتَشَابِهَا إِلَى الْمُحْكَمِ. Il faut impérativement renvoyer les textes qui sont clairs, les textes qui ne sont pas clairs, vers les textes qui sont clairs. وَهَذَا لَا يَهْتَدِ إِلَيْهِ إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il dit, ça c'est la voie que n'entreprend et que ne trouve et se guide à travers cela que les gens qui sont ancrés dans la science religieuse. فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْمُبْتَدِئِ أَلَّا يَتَسَرَّعَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ. Donc il dit, la personne qui vient de découvrir ces choses-là, il commence à s'instruire dans ce domaine, il ne faut pas qu'il s'empresse dans ces choses-là. بَلْ يَتَوَقَّفُ عَنْهَا. Il faut qu'il sache où sont ses limites, il s'arrête. وَأَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفَ يَفْهَمُهَا عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ. Et qu'il s'instruise. Comment comprendre ces textes-là? Allah dit telle chose, comment le comprendre? وَالْجَادَّةُ وَاضِحَةً. Il dit donc, la voie sérieuse et la voie de droiture, الجادة, elle est claire. وَالسَّلَفُ مَا قَصَّرُوا فِي بَيَانِ الْحَقِّ. Les prédécesseurs ont tout clarifié auparavant. وَوَضْعِ الْقَوَاعِدُ وَالضَّوَابِتُ. Ils ont apposé les règles, les paramètres qu'il faut respecter pour comprendre ces choses-là. لَكِنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمُ. Ces choses-là, tu ne peux pas les rêver, il faut que tu les apprennes. Il faut que tu les étudies, tu les apprennes. وَيَحْتَاجُ إِلَى فَهْمُ. Il faut que tu les comprennes. وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا قَوْلُهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. Exemple de cela, hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, Allah dit dans ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos d'Allah qu'il descend au ciel, sama'a al-Dunya, c'est le ciel que nous on voit. Chaque nuit, quand il reste un tiers de la nuit, kada, Allah descend. Comment comprendre ce texte? Dans un autre hadith, يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. Rapporté par Muslim, rawahu Muslim min hadith Aisha, قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء. حديث في مسلم. الله descend le soir de Arafat, jour de Arafat, le 9 de Dhul Hijjah, à peu près 3 semaines avant la fin de l'année. وياتي يوم القيامه قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سورة البقرة 210. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. سورة الفجر verset 22. سورة 2 verset 210. سورة 89 verset 22. Donc ce verset là, ce hadith là, Allah va venir le jour de la résurrection. Allah va venir le jour de la résurrection. يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. Allah va venir le jour de la résurrection pour juger équitablement vers ses créatures. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Huraira, etc. Nuthbitu hadhihi al-ashya lillah ala haqiqatiha. On dit, on affirme ces choses-là comme quoi Allah va venir réellement, c'est pas une image ou bien sa miséricorde qui va venir ou son ordre ou ses gens ou ses anges ou sa demande, etc. Mais on dit yaji'u yawm al-qiyamah li fasl al-qada bayna 'ibadihi, yaji'u Allah. Allah va venir. Wa ja'a rabbuka, ton Seigneur il va venir juger ses créatures. Affirmer ces choses-là réellement. Douna tadakhul fi tahdid al-kayfiyya. Sans rentrer dans comment Allah va venir. Il va venir. Fala natakallafu ma'rifata kayfa yanzil. On ne cherche pas à comprendre comment Allah descend. Kayfa ya'ti, comment il vient. Kayfa yaji, comment il vient. Al-kayfiyya la natadakhalu fiha. Le comment, ahl-sunnah yufawwidunah. Yufawwidunah ila Allah. Ça veut dire qu'il ne rentre pas dans ce domaine en disant Allah vient de telle ou telle manière. Par contre, le sens, il est connu. Venir, tout le monde sait ce que ça veut dire venir. Descendre, tout le monde sait ce que ça veut dire descendre. Mais le comment, Allah Ta'ala a'lam. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال السائل الرحمن على العرش استوى. سورة طه. كيف استوى يسأل عن الكيفية. Dit, c'est pour ça que quand un homme a demandé à l'imam Malik ibn Anas rahimahullah comment Allah s'est établi sur le trône. Dans le Coran, il a dit ça dans 7 versets. C'est avoir l'arche. Comment il s'est établi sur le trône? Comment il s'est mis sur le trône? Il s'est établi sur le trône. L'interrogateur, celui qui a posé la question, il a dit Ar-Rahman, de tout miséricordieux, il s'est établi sur le trône. Il a dit à l'imam Malik, il lui dit comment il s'est établi sur le trône. Il demande le comment. Qala lahu Malik ar-Rahimahullah, al-istiwa ou ma'loum. L'imam Malik lui a répondu al-istiwa ou ma'loum. L'établissement, c'est clair, qu'est-ce que ça veut dire? Yani ma'na, Ma'loumum ma'na, c'est-à-dire que le sens, qu'est-ce que ça veut dire istawa, c'est connu. Wal kayfu majhoul, wal imanu bihi wajib, wal su'al anhu, ay an al kayfiyya bid'a. Il lui a dit, le comment Allah s'est établi sur le trône, on l'ignore. Al iman bihi wajib, croire à cette chose-là, c'est impératif, c'est obligatoire. Allah il a nous informé de ça dans le Coran, donc on doit y croire fermement. Wal su'al anhu, et le fait de poser la question que tu as posée, comment Allah s'est établi, c'est une innovation. هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. De cette règle-là, les savants ils ont dit cette règle-là elle est valable pour tous les noms, tous les attributs. D'accord? Donc il dit c'est ça la manière dont il faut agir, à travers laquelle il faut agir concernant ce domaine. كذلك إثبات الصورة لله عز وجل في قوله خلق الله آدم على صورته. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc il dit le fait d'affirmer l'image. إثبات الصورة لله عز وجل. الله il a créé Adam sur son image. على صورته. Il y a une autre version. على صورة الرحمن. Il y en a certains des savants, ils ont dit الضمير على صورته. يعني الله خلق آدم على صورة آدم. لكن comme il a dit Cheikh Ibn Uthaymeen dans Fatawa al-Aqid, il a dit رواية أخرى qui viennent clarifier celle-là. الله خلق آدم على صورة الرحمن. الله il a créé Adam sur l'image du miséricordieux. وفي رواية voilà, Cheikh il a ramené derrière. على صورة الرحمن. رواه الطبراني في المعجم الكبير والحارث ابن أبي أسامة في مسنده وابن خزيمة في كتاب التوحيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما في الميزان للذهبي. Donc il dit cette version là elle est authentique également. نثبت الصورة لله عز وجل. On affirme l'image à Allah عز وجل كما أثبتها له رسوله في قوله رأيت ربي بأحسن صورة. Donc il dit on affirme l'image à Allah, comme il se l'a affirmé, comme le prophète sallam lui a affirmé. Dans un autre hadith, il a dit, le prophète sallam a dit, j'ai vu mon Seigneur sur la meilleure des images. Rawahu l'imam Ahmad fil musnad, wa tirmidhi fi sunanihi an mu'ad, radiyallahu anhu, wa sahahu tirmidhi, wa haka tasihihahu anil bukhari. Hada fi dunya, ru'ya manam, fi ahsani surah. Il dit ça s'est passé ici-bas. Ru'ya manam, c'est-à-dire dans une vision, c'est-à-dire dans un songe, dans un rêve. Dans la meilleure des images. Il y a l'affirmation de l'image à Allah Jalla wa'ala. C'est pas comme les images des créatures. Donc il dit ce domaine-là, c'est un domaine où on peut pas, on doit affirmer ces choses-là. Sans rentrer dans le comment la chose elle est, et sans rentrer dans ce domaine en disant il y a un doute sur cette chose-là, ou c'est pas totalement ce que vous pensez, ou bien le fait de parler à tort et à travers sans ramener la voix qui est conforme. Qala wa tafwid. Je peux se dire tawhid, tafwid. C'est à la fin. Moi je bats le hadith avec le Tislim, le Sidiq, le Tafouid, le Rida. Tu dois te soumettre, vérifier. Il est obligatoire d'y croire, en fait. Donc, quiconque explique quoi que ce soit les hadiths de participation ou bien le rejet est interdit. Très bon. Le sahih est le Tafouid, le Kayfiyya, le Tafouid, le Ma'na. Tafouid, en fait, comme ici le Cheikh dit, Tafouid, le Kayfiyya, c'est-à-dire que tu ne rentres pas dans le domaine de le Kayfiyya, le comment. Le comment, tu ne cherches pas à caractériser Allah à travers le comment. Tu dis مثلا, Allah il a deux mains. Comment elles sont ces deux mains? Allahu alam. Tafawwidu al-kayfiyya ila Allah. Tu dis Allah il sait comment il est le comment. Nous on ne le sait pas. Mais le ma'na, comme on a vu dans le ma'a, et c'est un des points que les savants ils ont reproché à l'imam al-Maqdisi rahimahullah, sahib al-lum'at al-i'tiqad, tafwid al-ma'na. Tafwid al-ma'na, il faut pas le faire. Il faut attribuer le sens. Allah il a deux mains. Le sens des deux mains, on le connaît. On sait c'est quoi deux mains. Istawa, il s'est établi sur le trône, on sait ce que ça veut dire. Il descend au dernier tiers de la nuit, on sait ce que ça veut dire, etc. On attribue ces choses-là. Le sens, on le connaît. Le comment, on ne le connaît pas. C'est ça, tafouid. C'est Tark al-Amr, là. Tark al-Amr, ça veut dire Fa'al al-asbab wa tafouid al-Amr lillah. Hada fait tawakkul. توكل هو فعل الأسباب لا لا لا الكلمة يا دان سورة غافر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Il dit, et je confie mon sort à Allah. Je confie mon sort à Allah. C'est-à-dire qu'ici, on confie. Voilà, on renvoie et on confie. Donc, dans notre domaine, il parle de quoi? Il parle de comment, des attributs. Comment elles sont les deux mains d'Allah? On le renvoie à Allah. C'est Allah qui sait comment elles sont, ses deux mains. Il fait telle chose, son image, comment elle est. Tout ça, c'est lui qui le sait. Mais nous, le sens, on l'attribue. Et on l'affirme. On ne dit pas Allah il n'a pas de main parce que sinon ça va faire ressembler à la créature. Et donc ça ne va pas. Donc on trouve une issue qui n'est pas bonne. طيب. قوله لا نفسر شيئا أو لا تفسر شيئا من هذا بهواك. كملوا ولا؟ Inch'Allah on finit ça, comme ça on ne s'arrête pas au milieu du chapitre. Donc, il dit donc, n'explique rien de par ta passion. Donc, il dit, on explique ces choses-là avec le sens qui est conforme à la voix des prédécesseurs, conforme avec le caractère majestueux et parfait d'Allah. On ne dit pas, ces choses-là, on ne peut pas les expliquer. On peut les expliquer, mais... On peut expliquer le sens, on ne peut pas expliquer le comment. Comment elles sont les mains d'Allah, comment elles sont kada. Nuthbitun nuzul, on dit Allah il descend. Premier tiers, dernier tiers de la nuit au ciel de Dunya. Watem fil kayfiyya. Il ne faut pas rejeter le comment. Il faut dire que le comment, on ne le connaît pas. Allah jalla wa ala ya'ti yawm al-qiyamah li fasl al-qada. Kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka. وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. C'est les deux versets qu'on avait avant dans la marge. يأتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين عباده. Allah va venir juger ses créatures le jour de la résurrection. ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق. Mais c'est pas comme la venue d'une créature, l'arrivée d'une créature, la venue d'une créature. وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى. C'est une venue comme Allah il le veut, il le souhaite. Comme Allah il le veut, et le comment, on l'ignore. Qal bihawak, il ne faut pas que tu détermines ou tu expliques quelque chose avec ta passion. Eyla tufassiruha biduni ilm. Il ne faut pas que tu expliques quelque chose sans science, sans connaissance. Amma innaka tufassiruha bimujib al-adilla wa radd al-mutashabih lil-muhkam fa hadha la ba'sa bih. Tu expliques les choses conformément au texte religieux et tu renvoies les textes qui sont équivoques. Qui peuvent prêter à plusieurs interprétations vers les textes qui sont clairs dans le même domaine, ça, il n'y a pas de problème. أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة. Donc, le débutant, le nouveau ou l'ignorant, il ne faut pas qu'il rentre dans ce domaine-là en disant ce qu'il veut, parce que c'est des points fondamentaux très importants. لأن هذا غلط وخطر كبير. C'est une mauvaise. Et le fait d'entreprendre ça par quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas, c'est un mauvais chemin et c'est un grand danger. وأنا أرى كثيرا من الشباب المتعالمين تجرؤوا على مسائل العقيدة. الشيخ يبغى منه صالح الفوزان يدي. يدي je vois, c'était lui qui parlait aussi avant, mais maintenant il met l'accent sur quelque chose. Il dit je vois beaucoup de jeunes متعالمين, donc c'est des gens qui se donnent un niveau de science alors qu'ils ne l'ont pas. Quelqu'un qui se déclare connaître ça alors qu'il ne connaît pas. تجرؤوا ça vient de comment il dit الجرأة, hein, l'audace. Ils ont l'audace à les masa'il al-aqida, c'est-à-dire ils se mettent à parler dans des choses qui sont très compliquées et très précises. Wa saru yastaruna minha ashiya wa yatakallamuna fiha wa yata'aduna fima baynahum wa yataqata'una fima baynahum idha ikhtalafu yastaruna ma araftash. Donc ils se mettent à parler dans des domaines qui sont compliqués et ils se détestent. Ou bien ils coupent les ponts entre eux sur des choses où ils divergent, alors qu'ils ne sont pas basés ni sur une science, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, mais chacun il parle selon ce que lui il pense. Ya ikhwanu, ma kallafakum Allah bi hadhihi al-umur. Il dit, vous n'êtes pas responsable de ces choses-là. Alaykum an tasiru ala manhaj as-salaf. Vous devez suivre. Votre obligation, votre fonction, c'est de suivre la voie des prédécesseurs. Wa taqulu bi qawlihim kutiba kutub al-aqaid محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة. Il dit donc, vous devez dire comme eux, ils ont dit auparavant. Il dit les livres de Al-Aqaid, donc j'ai mon Aqida Muharrara, yani Mektouba. Vous trouvez des fois à la fin des fatwas, Hurrira fi kada. Ça a été écrit, ça a été complété, etc. Tel jour, Walillah alhamd, wa matbou'a, donc ce sont des livres qui sont imprimés, Musahaha, qui ont été corrigés, wa madrousa, qui sont étudiés, wa mandabita, qui sont clairs, hein, qui ont été paramétrés, qui sont clairs. Fala tuhditu ashiya min indikum wa afhaman min indikum kufitum hadha al-amr. Il dit, n'ajoutez pas des choses de votre part, ou bien des explications de votre part. Kufitum hadha al-amr. Il y a des gens qui ont pris cette responsabilité avant vous, vous n'avez pas besoin de rentrer là-dedans. Qawluhu fa inna al-iman biha bihadha wajib. الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب ومفتر واجب مفترض على العبد. Croire en Allah, en ses noms, en ses attributs, c'est une obligation sur la créature. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض وإما بتفسير من عنده فهذا لا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي وإنما إيمانه ناقص. Donc il dit croire en Allah, en ses noms, en ses attributs, conformément à ce qu'on vient de voir, c'est la manière d'agir. Celui qui rentre dans ce domaine, les noms et les attributs, soit qu'il les rejette, soit qu'il fait ressembler Allah à sa créature, ou qu'il dit qu'Allah est l'équivalent à sa créature, ou bien qu'il fait tafouid. On a dit tafouid al-ma'na. D'accord ? Puisque les sunnah font tafouid al-kayfiyya, mais le ma'na il l'attribue. Imma bi tafouid, ça veut dire qu'ils disent Allah il a dit qu'il a deux mains, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein ? Tout ça, donc ce sont des graves erreurs, ou bien quelqu'un qui explique les choses de son explication à lui, celui-là n'a pas vraiment cru à Allah comme il devrait le faire, et sa foi elle est amoindrie. Dernier passage, قال قوله فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. الجهمية نفوا الأسماء والصفات. Donc celui qui explique une chose qui a un rapport avec cela, à travers sa passion, à travers ce que lui considère, ce que lui aime, ce que lui croit, et qu'il le rejette, il fait partie de l'Jahmiyya. La secte des Jahmiyya qui rejette les noms et les attributs. Car ils ont expliqué tout cela en considérant qu'il y a, en considérant ce qui est valable pour la créature. Voilà ce que Allah a yunazzahu amma yaliqu bil makhluq. Fahum mathalu awwalan thumma attalu thaniyan. Donc d'abord ils ont fait ressembler Allah à sa créature. Ensuite ils ont dit telle chose on ne peut pas l'attribuer à Allah. Telle chose on ne peut pas l'attribuer à Allah. Ils ont rejeté tous les attributs. بناءً على تمثيلهم. Pourquoi? Parce qu'ils se sont imaginés qu'Allah il ressemble à la créature. حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. Ils se sont dit, ces textes-là, yani deux mains, tel attribut, c'est comme la créature. La créature aussi, elle a tel et tel attribut. Donc ils ont dit, on est obligé de les rejeter pour ne pas les faire ressembler à Allah. أما لو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقة لكنها تليق به فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين لو سلكوا هذا المنهج لسلموا وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم. S'ils avaient agi comme on vient de le voir avant, comme Ahl al-Sunnah disent, il y a des noms, des attributs, Allah, il est pas, on ne peut pas le faire ressembler à sa créature, ils auraient été prudents, ils auraient été déchus d'erreur. Mais أتوا من فهمهم, c'est-à-dire qu'ils ont été piégés à travers leur mauvaise compréhension, le fait qu'ils ont suivi ce qu'eux ils pensent être juste, leur passion. Wal Jahmiyya nisba ila al Jahm ibn Safwan al-Tirmidhi aw al-Samarqandi wa huwa awwal man adhhara al-qawl bi anna al-Qur'an makhluq. Donc il dit al Jahmiyya, c'est une attribution à al Jahm ibn Safwan al-Tirmidhi, donc de Tirmid, aw al-Samarqandi de Samarqand, là où le Bukhari rahimahullah il est né ou il est mort, wa huwa awwal, il est mort plutôt. Et c'est le premier qui a fait apparaître que, à la fin du siècle, deuxième siècle, au milieu, que le Coran il est créé. Hein? Et il a dit, c'est le Ja'd ibn Dirham, il n'a pas pu transmettre cette aqida, c'est le Jahm ibn Safwan qui l'a propagé. Donc il a rejeté les noms, les attributs, le Jahm. Il a dit, donc Ta'ifa. Comme on avait vu dans les différentes étapes de l'Murji'a, il y a le Jahmiyya en premier qui disent que l'Iman c'est juste reconnaître avec le cœur. Le Cheikh il avait dit que Iblis fi hadha mu'min wa Fir'aun mu'min, et il avait cité plein de personnes qui sont des kuffars. Il avait dit avec cette explication là, cette définition là, on peut rentrer plein de gens dans l'Iman. Il a akhir aqwalihi ad-dalla al-kufriyya, et plein d'autres paroles qu'il a qui sont totalement non conformité avec la conviction du musulman qui est pur. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه فيقال هذا جهمي نسبة إلى الجهم. Celui qui a la même conviction que lui, on l'attribue à lui. On dit فلان جهمي, c'est-à-dire le ya derrière c'est ya النسبه, c'est le ya d'attribution, comme quoi il suit al-Jahm ibn Safwan. طيب on s'arrête là inchallah et on reprendra après Ramadan. هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.